voilà, nous y voilà. Cargo culte sur les ondes, cargo culte en campagne, cargo culte qui prend le large aussi. Ainsi, on l'a initié en cette fin d'été et maintenant aujourd'hui, tout début du mois d'automne. Bah, bienvenue à tous, chers auditeurs, chers spectateurs, Pinode qui nous écoute, bien sûr à eux. Et saluons notre lieu d'accueil puisqu'on est aujourd'hui à la médiathèque de Château-Thierry. Tout en bas des Hauts-de-France, voilà, et pas très très loin non plus de l'Île-de-France. Et puisqu'on est dans les messages de bienvenue, hein, autant remercier tout le public qui est chaleureux ici, à défaut d'être extrêmement nombreux, ne mentons pas. Moi, j'ai tout à fait envie d'associer un très très beau geste à ma parole pour nous souhaiter spécialement la bienvenue autour d'un disque très particulier aujourd'hui, et puis d'une artiste qui en a tout autant, c'est Laurie Anderson et son album Big Science. Mais avant ça, puisqu'on parle de bienvenue, on va écouter là plutôt. Bonsoir. Bienvenue à l'heure de l'écoute difficile. Sur le cadran, l'impitoyable, impénétrable son de la musique difficile. Alors, asseyez-vous bien droit sur une chaise au dos carré. Boutonnez bien votre chemise et préparez-vous à une musique difficile. Oula. Oula. C'est un document très rare et formidable. Et je vais d'ailleurs volontairement enterre un petit peu la provenance aujourd'hui et travailler comme ça un petit peu le suspense. Hein. Cette fausse ouverture, c'est bien entendu Laurie Anderson qu'on entend. Et en français. Alors pourquoi, comment, je répondrai à cette question à la deuxième partie de ce programme. L'essentiel va être consacré à l'écoute des deux faces, bien sûr, entières, de Big Science, album qui sort en 1982. Il faut contextualiser l'époque et la réussite de cet album, parce que c'est incontestablement une réussite, avec finalement tout l'entourage de Laurie Anderson à l'époque, et le fait que Laurie Anderson, souvent franc, n'est absolument pas destinée au succès. Elle vient d'une scène franchement expérimentale, de ce clan, si clan il y a, des arts sonores. Air sonore, c'est une acceptation qui doit s'entendre finalement au pluriel. Et ce n'est pas du tout quelqu'un qui revendique la musique comme un de ses médiums principaux. Finalement, elle est dans le conceptuel. C'est quelqu'un qui va beaucoup tâter de la lutherie électronique. Elle s'illustre notamment avec un violon, tout simplement, mais dont elle a modifié complètement le fonctionnement, puisque l'archet est en fait une bande magnétique. Il essaie à tenir une bande magnétique, c'est volontairement assez long. Et cette bande magnétique est frottée contre, non pas les cordes d'un violon, mais vous êtes en train de l'imaginer facilement, sur une tête de lecture, voire en fait une double tête de lecture qui permettait à Laurie Anderson de jouer comme ça, d'effets de glissando et de répétition. Il faut voir qu'on se situe à ce moment-là à New York. On est bien sûr dans une ère minimaliste, post-minimaliste extrêmement important. Les compositeurs qu'on connaît, on les a cités hein, déjà sur Cargo Cult, mais recitons-les entre nous. On les connaît bien maintenant, des Philip Glass et des Steve Reich ont laissé une empreinte. Steve Reich, notamment, avec l'usage de la bande magnétique, faut-il le rappeler. Donc, Laurie Anderson est l'héritière de ça. Et elle est loin d'être la seule. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est loin d'être la seule. Et elle est en fait une de ces jeunettes de l'art sonore, de l'art conceptuel, qui, lorsqu'on va commencer à s'intéresser à la musique électronique, va finalement devenir le sésame de beaucoup d'artistes, au moins aussi importants qu'elle, et peut-être plus importants qu'elle à l'époque. Elle est en filiation avec une tribu de femmes savantes, hein, je mets des guillemets volontaires au mot, mais parmi lesquelles on peut compter Pauline Oliveros, Charlotte Moorman, par exemple, elle qui jouait du cello, c'est-à-dire du violoncelle, mais liée à l'art vidéo, à l'expression vidéo de Najum Peck. C'est une artiste vidéo aussi, Laurie Anderson, et en fait, on peut même la définir comme une des premières artistes multimédia, quand même le mot finalement n'était pas dans l'air à l'époque. Mais voilà, il y a un lien évident à faire entre des mamas de l'art sonore, Pauline Olivero, Charlotte Moorman, Yoko Ono comme Meredith Monk aussi, hein, dans un usage comme ça un peu amplifié, exagéré, dévoyé de la voix, justement. Et j'étais heureux de redécouvrir une compilation que j'avais entendue, non pas à l'époque, en 1977, quand elle sort, mais moins de 10 ans après, où justement, elle partageait l'affiche, Laurie Anderson, avec donc, je la nommais Meredith Monk, mais aussi Laurie Spiegel, et quelques autres femmes de cette avant-garde électronique, qui étaient certes repérées, mais pas iconographiées, pas labellisées. Et il y a un coup de miracle et de chance qui va se passer avec Laurie Anderson, c'est qu'elle va donner visage à quelque chose qu'on n'a pas. Au point où, quand l'album qui va suivre va paraître, et quand il va être dûment promotionné pour un clip vidéo qui mettra le titre phare sur tous les écrans de MTV à l'époque, ce qu'on va voir, c'est à la fois une artiste, mais aussi à la fois une frimousse, une espèce de passe-droit de musique expérimentale, de musique difficile, comme le disait Laurie, dans un cadre qui n'était absolument pas réservé à l'origine, c'est-à-dire finalement les médias ordinaires, le disque, le support disque, et puis MTV, et puis toutes les télés, les cable TV qui pouvaient commencer à fleurir à l'époque, mais notamment MTV, et qui avait besoin d'alimenter ses programmes avec des vidéoclips. Donc quand il n'y avait pas tant de vidéoclips que ça à se mettre sous la dent, les choses les plus avant-gardistes ont pu avoir un passe-droit absolument ahurissant et aisé dans les émissions musicales de l'époque, parce qu'effectivement, l'avant-garde qui prenait le risque d'utiliser le média vidéo comme quelque chose de très expérimental, finalement, c'était ouvert les portes de facto de chaînes qui demandaient qu'à trouver du contenu parce qu'il en manquait. Voilà. J'arrive pas à pas, mais volontairement, lentement, hein, sur cet album Big Science. Il paraît en 1982. Mais il est fondamentalement construit et pensé en 1981. En 1981, Laurie Anderson est déjà une icône new-yorkaise identifiée mais réservée. Et ses amis, c'est des gens comme William Burroughs ou John Giorno, par exemple. Donc c'est des gens de la poésie, formellement, du cut-up et de l'expérimentation, peut-être proto-multimédia, mais fondamentalement de la poésie. Et Laurie Anderson est une poète, elle se définit aussi comme ça. En 1981, il y a un album absolument mythique, signé sur GPS. GPS, c'est un très bel acronyme. C'est celui de Giorno Poetic System. C'est le label de John Giorno, dans lequel toutes les avant-gardes, mais y compris des avant-gardes bigarrées, hein, qui vont d'une forme de hardcore new-yorkais très noisy à du hard rock ou bien de l'art sonore façon Laurie Anderson, vont comme ça conjointement partager des disques ou des phases de disques. Et sur cet album qui s'appelait You're the Guy I Want to Share My Money With, 4 faces. Et chaque face est répartie entre les 3 artistes. Donc une face, Laurie Anderson, une face, John Giorno, une face, William Burroughs. Mince, il reste une 4e face. On fait quoi avec la 4e? Il y a ce coup de génie, qui était, je crois, inédit à l'époque, mais qui a été réédité depuis, de multiplier les sillons sur un support et de mettre 3 sillons, chaque artiste ayant son sillon. Donc sillon Laurie Anderson, sillon John Giorno, sillon William Burroughs. Rien sur le disque n'indique ça. Donc, non seulement il vous faut chercher à la main le sillon, et puis bien tomber, et faire en sorte qu'il n'y ait pas un craquement de disque qui vous fasse sauter d'un sillon à l'autre. Ce qui, de toute façon, dans les probabilités, arrivera. Mais en plus, il faut avoir la... Il faut se rendre compte qu'il y a comme ça 2 morceaux différents. Voilà. Il y a une titre pop qui avait réussi à faire ça à l'époque, mais avec 2 sillons. Mais avec 3, ça s'était encore jamais fait. Voilà pour la petite performance. Et ce qu'on entend là de Laurie Anderson, alors je croyais l'avoir dans mes voilà, est-ce qu'il est là? Tout à fait, pardon, je vais vous mettre tout de suite. C'est une musique qui fait entendre l'instrument de prédilection de Laurie Anderson, enfin les deux, hein, c'est-à-dire sa voix, comme outil. J'ai plutôt envie d'ailleurs d'utiliser le mot outil qu'instrument. Et bien sûr, le violon. Explication tout de suite avec ses proto-carrières entamées justement dans ce disque. Donc, You're the guy I want to share my money with, là encore, je le répète, chez John Giorno, avec John Giorno et William Burroughs. Electronic Dogs, vous aura pas échappé qu'il y a aussi, en plus de l'attirail proto-électronique un peu outrancier, hein, et le violon trafiqué, amplifié, un chien qui se promène là. Voilà. De quelques mois à peine, hein, on peut même dire quelques semaines, cet exercice de style qui rencontrera évidemment pas son public, en tout cas qui ne rencontrera que son public, c'est-à-dire un downtown new-yorkais extrêmement connecté, une avant-garde qui s'exprime dans les galeries, mais pas dans les salles de concert à proprement parler, et surtout pas dans les disques. Quelques semaines après ça, va naître le 45 tours le plus incroyable, peut-être le plus édifiant et le plus miraculeux jamais produit dans la galaxie pop music, des pop music. C'est un 45 tours qui s'appelle O Superman. Et O Superman va être le tube de Leo Anderson, mais plus que le tube de Leo Anderson, ça va être le tube de l'art sonore. Et du coup, quitter les oripeaux, peut-être un tout petit peu snobinard de l'art sonore, pour intégrer vraiment la pop music et être comme ça, quelque chose complètement baigné de l'étrangeté d'une époque, de cette électronique balbutiante qui va commencer à envahir toutes les productions, et avec beaucoup de classe, hein, beaucoup de raffinement. On va être de moins en moins, je dirais, low-tech, pour pouvoir exprimer des choses un petit peu plus ambitieuses. Et Laurie Anderson, de ce côté-là, l'est totalement. Rapidement, elle aura envie de s'exprimer dans des grands opéras multimédia, sur des scènes, et créer comme ça des dispositifs pour lesquels le disque est finalement un support, voire au mieux une documentation d'une expérience plus importante. Ce 45 tours aidant, mais alors je suis extrêmement vicieux de vous l'évoquer là, alors qu'on ne va pas l'écouter tout de suite. Oui, je sais, je fais légèrement exprès. va forcément devoir être amené à devoir être vendu par un album. Je reviendrai sur O Superman et ce qui a rendu son succès complètement incroyable. Disons qu'il y a un moment où mais ça, c'est une stratégie très classique dans tout le rock indépendant. Vous pouvez enregistrer un titre et le faire à 500 copies et le distribuer dans un réseau et toucher finalement les bons auditeurs et vous faire remarquer. C'est exactement ce qui va se passer avec Laurie Anderson quand elle va signer ce single au Superman sur un label qui a disparu quasiment aussitôt, qui s'appelait 110 Records. Et 110 Records a dû tirer 300 copies et puis distribuer 200 copies promo. Dans ces copies promo, il y en a une qui franchit l'Atlantique et qui va cibler un auditeur et un programmateur de choix outre-Atlantique, c'est John Peel, qui sévit en Angleterre, à la BBC, et qui est connu comme le loup blanc pour ses John Peel sessions. Et c'est vrai que c'est quelqu'un à qui on doit... Enfin, c'est un producteur de radio de passage extrêmement important. Il tombe amoureux du titre et il le programme deux fois dans la même soirée. Et il y a une demande énorme. Il y a une demande absolument énorme d'auditeurs pour repasser ce titre. Donc, ils le repassent. À New York, aux États-Unis, Laurie Anderson n'est même pas au courant que le truc est en train de se faire. Et la chaîne, ça doit être la chaîne soit HMV ou soit Virgin Records, donc qui sont des grandes chaînes de distribution de la musique, avec pignon sur rue dans la plupart des grandes villes d'Angleterre, dit super, le disque, branche Wanton Records, on a besoin d'une... vous pouvez nous, on va en commander deux fois, quoi. Oui, alors, combien vous en voulez? Il nous faudrait 40 000 là, pour la première semaine, mais je pense que dans deux semaines, il nous en faudrait 50. Combien? Mais on en a fait... on en a 300, en fait. On nous voudrait 40 000. Donc là, qu'est-ce qui se passe, quoi? On passe de 310 qui existent à 40 000 à faire. Donc Laurie Anderson, avec une sublime naïveté, ou une fausse naïveté, on ne saura jamais, va brancher une copine à elle qui bosse chez Warner en tant que P&R ou A&R, Artist on Repertoire, et qui cherche comme ça des talents, et qui s'intéresse effectivement à la galerie de l'art sonore, mais pas plus que ça. Il n'y a pas l'idée d'éditer un disque. Et je lui dis, est-ce qu'il y a moyen que Warner, puisque ça va être la major qui va signer le disque, est-ce qu'il y a moyen que Warner nous aide à faire exceptionnellement un tirage assez gros de ça, parce qu'on nous en demande 40 000. Et je lui dis, ça, évidemment, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu crois? Mais je lui dis, mais attends, donne-moi deux jours, il y a mieux à faire. Et voilà, et deux jours après, elle lui dit, écoute, pas de problème, on va faire le single, mais ce qu'on fait, on fait un album. Donc on signe quelque chose. Et un contrat, youpi. Donc, du coup, quelque chose d'extrêmement classique, où on va en engager un artiste pour qu'il donne, on le suppose, le meilleur de soi. Et tout de suite, chez Laurie Anderson, l'idée va germer de proposer un album qui est lui-même finalement l'ouverture d'un projet plus vaste et qui va être clairement défini 3 ans après sur 5 disques live qui vont mélanger poésie, musique et happening. La première pièce de cet édifice, c'est donc celle qu'on va entendre là. C'est l'album Big Science. Alors, il est temps que je me retire petit à petit et puis que je vous laisse découvrir maintenant tout ce qui va constituer un petit peu la teneur. Alors là, revenons à ce qui est vraiment la musique, mais la teneur conceptuelle aussi du disque. C'est un disque qui, en parlant d'une époque, en cite une autre. C'est un disque qui parle de l'industrialisation, c'est un disque qui va évoquer l'autorité, la difficulté face aux autorités, quelles qu'elles soient. Et il est difficile de ne pas voir dans ces prévisions alarmistes quelque chose d'extrêmement prémonitoire aujourd'hui. C'est spécialement le cas avec le morceau qui va ouvrir ce titre, « This is the time ». This is a record of the time. Évidemment, au Superman, mais qu'on pourra détailler juste après l'écoute de cette face A, parce qu'aujourd'hui, comme à l'ancienne, on va prendre le disque, 33 tours, on va écouter la première face, on va singer le bruit d'une aiguille qui se pose dessus, et nous voilà aux toutes premières notes donc, de Big Science, Laurie Anderson, en 1982. Bonne écoute, on se retrouve dans une douzaine de minutes pour le commentaire de la face B. Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright lock position. Your captain says, head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down. Gonna be some day. Stand by. This is the time, and this is the record of the time. This is the time, and this is the record of the time. Take a right where they're gonna build that new shopping mall. Go straight past where they're gonna put in the freeway and take a left at what's gonna be the new sports center and keep going till you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank. You can't miss it. And I said, this must be the place. Smoke. I no longer love your mouth. I no longer love your eyes. I no longer love your eyes. I no longer love the color of your sweaters. I no longer love it. Mm-mm. I no longer love the color of your sweaters. I no longer love the way you hold your pen and pencil. I no longer love it. I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling. Over and over, you're falling, and then catching yourself from falling. And this is how you can be walking and falling at the same time. It was a large room full of people. All kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free, and they were all asking themselves the same question: what is behind that curtain? Thank you. You were born, and so you're free. So happy birthday. De la première face de Big Science, on est donc en 1982, c'est le premier album de Lou Anderson. Ces cinq morceaux ont parfaitement bien campé finalement l'attitude de Lou Anderson, en tout cas au moins sur le plan de la tira électronique, un petit peu, il y a quelque chose qui, avec peu de choses, arrive à en faire beaucoup. On a noté l'usage du violon modifié. Je campais avant, c'est-à-dire ce violon avec une bande, mais on entend aussi beaucoup de véritables violons. Il y a des truchements électroniques qui ne sont pas forcément nouveaux à l'époque, mais qui sont de plus en plus déployés et sur lesquels elle excelle, c'est-à-dire tout ce qui est réverb, chambre d'écho et aussi le vocodeur. Et question vocodeur, il y a quelque chose de plus que la technique qui va sublimer l'art de Lou Anderson et qui, là, va être absolument émouvant, prenant, dans le fameux single que je décrivais tout à l'heure, dans le fameux « Oh, Superman », qui va donc ouvrir la face maintenant qu'on va entendre. J'oserais dire que tous les morceaux préparatoires qu'on vient d'entendre étaient là pour ouvrir finalement le bal de ce morceau-là. Et peut-être, voire sûrement, l'album culte Big Science de Lauren Nelson ne l'est que, et en tout cas à 90%, pour ce morceau-là. 45 tours au demeurant qui s'avère très très long sur une version album, puisqu'il fait près de 9 minutes, exactement 8 minutes 27. Et Oh Superman a fait le tour du monde, le tour des radios, de la façon la moins attendue possible. Je le disais tout à l'heure, mais revenons un petit peu aux sources. Quand le morceau est édité à très peu d'exemplaires, il est entendu par les bonnes oreilles, en l'occurrence programmé par John Peel sur la BBC. Suite à cela, énorme demande. Et donc, le label Warner qui se pose là pour finalement envoyer les morceaux supposément de par le monde. Et bah, une fois de plus, la balle va ricocher ailleurs, et certes, elle va toucher le monde, mais pas du tout les États-Unis. En tout cas, pas immédiatement. Il y aura un effet rebours avec l'accueil anglais, britannique, qui va être absolument excellent. Le titre Oh Superman va camper les charts britanniques pendant plusieurs semaines, au moins 2 semaines, en étant numéro 2 dans les charts. Pour une musique comme celle ici de Lauren Anderson, et spécialement le morceau que vous allez découvrir bientôt, vous allez voir, c'est proprement ahurissant. La même chose s'est produite à peu près en Allemagne et en France, et probablement aussi en Italie. Si je dois camper devant vous, public chéri, finalement relativement réduit aujourd'hui, mais je m'en fie aussi aux auditeurs de Pinode, là, qui seront encore plus ouvertes, je vous confie un vrai souvenir de jeunesse. Quand cet album sort, moi, j'ai 14 ans, quoi, enfin, un peu plus. Là, un peu plus, puisque je suis en âge d'aller dans les booms et dragouiller un petit peu. Et dans les booms, à l'époque, déjà le mot boom, il faut savoir ce que ça veut dire, hein, les surplus party, bah, y avait les slow. Et bien, bah, comme Lauren Anderson passait à la radio, c'était considéré comme un slow. Donc c'est un truc qu'on mettait dans le quart d'heure américain où pour tenter d'emballer tant bien que mal, on avait un morceau qui en plus faisait 8 minutes 30. La bonne affaire, quoi. Mais moi, il était hors de question que j'essaye de dragouiller bêtement parce que de toute façon, je ne savais pas faire. Et quand j'avais Lauren Anderson qui chantait, moi, j'écoutais ça religieusement. Donc j'avais du mal à assimiler ça à un morceau fonctionnel fait pour la drague. Mais de fait, il l'a été sur une génération de gens comme moi et d'adolescents boutonneux qui, en 1982, tentaient tant bien que mal d'emballer et faire la bonne occasion. Et pourquoi pas sur un bon morceau. Ben voilà. Ben moi, mon coup de foudre, il était clairement pour Lauren Anderson, mais il l'a été pour beaucoup. Au Superman, vous allez l'entendre, révèle une technique procédé que Lauren Anderson va nommer audio drag. Très, très intéressant. On pourrait définir assez grossièrement audio drag comme un travestissement audio. Mais finalement, ça va bien au-delà. Il y a une confusion des genres qui est savamment entretenue par le Anderson. Elle est dans son look, hein, puisqu'elle a une coupe de cheveux à la garçonne, vaguement punk, elle est habillée dans un costume tout en étant ultra féminine. Elle joue comme ça de codes masculins, féminins qui sont un peu brouillés. Et sa voix traduit exactement ça. Exactement ça, avec cette technique de pitch, hein, du mot électronique, et qui va être la signature de le Anderson. Rappelez-vous cette petite salutation de début de programme. Bienvenue dans la musique difficile. Et ça, c'est un travail colossal. Ce n'est pas juste un plugin ou un preset issu d'une machine. Il y a une vraie réflexion de Lauren Anderson sur les possibilités étendues de la voix. Et là-dessus, elle ouvre quand même le bal sur pas mal de choses qui vont devenir assez performatives, mais en usant de l'électronique. Bienvenue dans ce « Oh Superman ». « Oh Superman », « Oh Judge », « Oh Mom », « Mom and Dad ». Dernière information que je vais donner quand même pour l'explication de ce titre, parce qu'il mérite des tonnes d'explications. Et il a longtemps été beaucoup trop sibyllin pour qu'on puisse deviner vraiment où il voulait en venir. Il l'est toujours d'ailleurs, mais le Anderson a donné des clés. Notamment le fait que c'est un morceau qui est sous-titré « For Massenet », Jules Massenet, compositeur français qu'on a eu tendance à oublier et qui a été signé toute fin du 19e siècle, on doit être dans les années 1880, quelque chose. Un opéra adapté du Cid, le Cid de Corneille, évidemment. Et dans cette aria qui est portée donc par Rodrigue, il y a cette, cette voix originale qui parle de « Ô souverain, ô juge, ô père ». Et voilà donc chez Laurie Anderson ce « Ô Superman, ô judge, ô mom and dad ». Oh Superman, oh John, oh Mom and Dad, Mom and Dad. Uh-huh. Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Tonbandstimmen. Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Shining slowly. Ich höre nur birds are flying. Ihren Klang. So low. Honey, you're my one and only, so pay me what you owe me. The lights are going down slowly, in the woods the animals are moving. In my dreams you're talking to me, your voice is moving through. Them parents so that they destiny accomplished them fair and it's so destiny accomplished them fair and it's so destiny accomplished them fair and it's so destiny accomplished them fair and it's so destiny accomplished them fair and it's so destiny. Beispiel Nummer 22. This guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right again. Could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight. Let X equal X. You know, I could write a book, and this book would be thick enough to stun an ox. 'Cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger on over here. Got the time. Autograph your cast. Hug and kisses, X, X, X, X, zero. zero, zero, zero, zero. Oh yeah, P.S. I feel like I am in a burning building and I gotta go. Just like a woman, she said, it's hard, it's just hard, it's just kind of hard to say. He said, isn't it just, isn't it just like a woman? She said, it goes, that's the way it goes. Goes that way, he said, isn't it? Isn't it just like a woman? She said, it takes one, it takes one too, it takes one to know one, he said. Isn't it just like a woman? She said it. She said it to know. She said it to no one. Isn't it just? Isn't it just like a woman? Ainsi s'achève Big Science, album, on peut le dire maintenant, prophétique de Laurie Anderson en 1982. Faut revenir sur au Superman, qui est évidemment le point complètement nodal de cet album. Et puis, oui, alors prophétique au sens propre. Hein. Vous n'aurez pas échappé qu'on parlait là d'avions en flammes, de crash aérien. On est clairement dans une espèce d'allégorie de ce qui sera le 11 septembre, le fameux 9-11. Et il y a des ironies du sort comme ça qui échappent même à leur créateur, parce qu'en fait, moins de deux semaines après justement le 11 septembre, et c'était en 2001, on se rappelle 9-11, on a tendance à oublier le 2001, donc de 2001 où ça s'est passé, Laurie Anderson faisait un concert qui célébrait les 20 ans de cet album. Donc c'était une forme de best-of, quoi. au Town Hall. Donc voilà, la vie culturelle reprenait quand même à New York. On était encore dans dans ce trauma énorme qu'on peut imaginer assez bien. Et c'est quand Laura Anderson a rechanté ce morceau-là au Superman qu'elle s'est rendue compte peut-être de la puissance de quelque chose qui lui avait échappé. C'était assez touchant. Je m'étais juré de retrouver d'ailleurs cette trace, parce qu'elle existe, il y a eu un disque fait. Bon, et puis il faut admettre que c'est très, très nettement en dessous. Alors peut-être parce qu'il y a justement trop d'émotions aussi, hein, vu le contexte, quoi. Mais cet aspect aussi de voix torturée électroniquement, mais finalement à volonté, avec une véritable volonté derrière, cette technique dite donc de audio drag, hein, nommée par Laura Anderson elle-même, apparaissait pas. Et tout d'un coup, finalement, disparaissait toute la portée du texte et même la portée du son. D'où cette magie, j'insiste, entre le mariage, entre le son et le sens, qui n'est pas fréquente, et qui ici, alors qu'on l'appelle art sonore, musique new wave, ou tout ce que vous voulez, prend un sens assez, assez fort, quoi. Alors la vraie question, c'est comment survivre à Oh Superman ? Comment, après avoir fait un morceau comme ça, rester au top ? Et ça s'est vu, hein, ce qu'on appelle les one and only dans la pop musique, vous sortez comme ça le morceau parfait, et une fois que vous l'avez fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un premier film, vous êtes oscarisé à Hollywood, bon ok, bah, qu'est-ce que vous faites pour le deuxième ? Donc chez Laura Anderson, il y a eu clairement quelque chose qui a dû se passer, et pour le peu, on l'a même jalousé, puisqu'il est devenu cette icône de l'art sonore dont je parlais tout à l'heure. Alors il y avait quand même une volonté chez Laura Anderson de dépasser le cadre d'un disque et d'un succès. Je disais que très en amont, il y avait cette ambition de ce quintuple album qui s'appelle United States Live, donc qui mettait la voix, la poésie quand même plutôt en son centre. Mais en 1984, elle est toujours dans la promotion de Oh Superman, parce que quelque part c'est un tube d'hier tout comme d'aujourd'hui. Et ce qu'on entendait tout à l'heure avec une voix française, et donc finalement par plaisir je vais vous remettre la teneur, et une commande très spéciale qui a été faite pour le générique de Haute Tension, qui était le magazine musical un peu pointu, branché, musical et art vidéo, qui passait en fin de soirée, le samedi soir, une fois par mois, dans le cadre de l'émission Les Enfants du Rock. Il y avait comme ça une alternance de genre, et évidemment, il y avait cette séquence qui était recherchée par plus aficionados, un petit peu de musique électronique, d'art sonore, ressortons le mot, mais enfin, il était à peine sur les lèvres à l'époque, et d'art vidéo à travers ça. Donc, quand Laurie Anderson prononce ces mots-là, mais télé, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et réécoutons-la, c'est formidable. Bonsoir. Bienvenue à l'heure de l'écoute difficile. Sur le cadran, l'impitoyable, impénétrable son de la musique difficile. Alors, asseyez-vous bien droit sur une chaise au dos carré. Boutonnez bien votre chemise et préparez-vous à une musique difficile. Oula. Oula. J'adore ce oula. Alors, explication, parce que j'étais très sibyllin sur ça. J'ai mis des semaines, des mois à retrouver ce passage. Il est pas en ligne, en tout cas, il n'est pas labellisé sous le nom de Laura Anderson, il n'est pas labellisé sous le nom de l'émission. C'est assez complexe. Et en fait, on peut le trouver via un blog du producteur de Haute Tension à l'époque, qui a un peu planqué ce truc-là, et qui, du fait, s'est ouvert une chaîne YouTube, mais une chaîne Dailymotion, mais un peu planqué, sur lequel on trouve maintenant l'intégralité des Hautes Tensions. Et donc celui-ci, dûment commandé auprès de Laura Anderson, c'était exactement le 17 novembre 1984. Bienvenue dans la musique difficile. Alors évidemment, un jeu de mots et puis une petite pichenette, ce qu'on appelait Easy Listening, parce que finalement, cette musique n'est pas si difficile que ça. Simplement, elle est probablement, chez Laura Anderson, c'est sa force, le véhicule à faire passer et à faire accepter des musiques qui sont supposément dites difficile. Alors, si, après la carrière de Laura Anderson est loin de s'arrêter, hein, elle est toujours là, et tant mieux. Elle va être assez vite recherchée. En 1984, l'année de ce jingle-là, Elle est à Paris pourquoi ? Parce qu'en fait, Jean-Michel Jarre l'a dépêchée pour pouvoir faire figuration dans son album Zoulouk. C'est un disque, c'est probablement le disque le plus intéressant de Jean-Michel Jarre. Mais alors, il est très Jean-Michel Jarre. C'est-à-dire que c'est moi-je, plus mes amis, du moins invités. Et alors, avec un cachet qui correspondait à l'équivalent de tout ce qu'ils avaient pu gagner dans leur carrière précédente, rien que pour être là. Et parmi ces gens-là, il y avait cette... maintenant néo-diva de l'art sonore, qui était donc Laurie Anderson, en tout cas qu'elle était supposément être devenue. Et je vous le donne en mine, le morceau s'appelait « Diva ». Voilà. Mais bon, il y a plein de choses qui se passent. Hein. En 2003, elle est la première artiste, alors c'est beaucoup plus récent, elle est la première artiste en résidence à la NASA. Extrêmement intéressant, ça, qu'un lieu comme ça. Alors, il y a eu d'autres artistes, après en résidence. Voilà. Artistiquement, mais finalement pas tant que ça, elle épouse Lou Reed en 2008. Bon, ils se connaissent depuis longtemps. Là, apparemment, ils se rencontrent en 1992, disent les potins du web. Mais j'ai bien le croire. Et de fait, Laurie Anderson et Lou Reed ont commis quand même de la musique auparavant. J'ai comme ça en tête l'album The Raven. Raven comme le corbeau donc d'Edgar Allan Poe. C'est une adaptation quasi opératique. Et sur lequel Laurie Anderson figure, bien sûr, aux côtés de Lou Reed. Mais il y a pas mal d'autres gens. De manière plus véhémente, Lou Reed et Laurie Anderson... chapeauté, parrainé, presque comme une espèce de curé qui les aurait mariés artistiquement, c'est John Zorn, avec qui ils ont commis un disque assez remarquable, The Stones, qui est un disque live volontiers noise, quand même. Voilà. Et puis, bien sûr, toutes les apparitions de guest stars de Laurie Anderson. Il y en a plein. Elle a écrit notamment le jingle, oui, on pourrait appeler ça l'identificatif, les génériques d'ouverture des JO d'hiver à Vancouver. Et c'était en 2010. Voilà. Tout ça, donc, bien sûr, sponsorisé par le comité olympique, le Barbican Center de Londres, machin. Donc c'est une artiste à awards, maintenant, Laurie Anderson. Bon, elle les mérite, donc il ne s'agirait pas quand même de cracher dans la soupe. Elle a même eu un awards pour un concert qui n'a pas pu avoir lieu en 2020. Tout récemment, une commission qui a été enregistrée, mais pas diffusée, puisque... Le Kronos Quartet et puis Laurie Anderson devait jouer une tournée qui doit passer par les États-Unis, être inaugurée à Los Angeles et puis être actuellement en Europe. Mais enfin, crise coronavirus oblige, le projet est annulé. Mais néanmoins, il est déjà awardé du simple fait de son existence. Voilà, on pourra discuter des heures hein, de Laurie Anderson, mais j'ai envie de vous donner la parole d'ailleurs, savoir un petit peu ce que vous en pensez, s'il y a des questions comme ça, à la fois en ligne ou à la fois dans le public, des réflexions. Je suis tout à fait oui, comme on dit. Je suis oui, oui. Je répéterai d'ailleurs les questions au micro parce qu'on ne les entendra pas, mais merci d'être en face de moi et puis poser... Oui, merci pour cette réflexion. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis c'est plus évident presque encore avec le recul. Et ça l'était peut-être pas autant en 1981. En substance, hein, je résume ce que vous disiez, puisque vous évoquez cet aspect genré et non genré, finalement, de Laurie Anderson, à la fois dans ce traitement de voix. Je rappelle le nom du traitement, Audio Drag. Comme une information très précieuse, évidemment. Et puis la posture, la frimousse, effectivement, cette coupe, un Johnny Rotten propre, on a envie de dire, en costume cintré, en smoking. exactement, un Johnny not rotten. Voilà. C'est ce qui est beau aussi chez Laurie Anderson. Parce que Laurie Anderson, par exemple, elle s'exprime en plein à New York ultra tumultueux et ouvert, comme ça, aux excès. Hein. On est dans ces années dites « no wave », par exemple. Pour revenir auprès d'une femme comme ça, extrêmement charismatique, démonstrative, l'égérie principale était Lydia Lunch. Je pense qu'il y a un monde énorme entre Lydia Lunch et puis Laurie Anderson. C'est ni le même son, ni la même éducation. Et pourtant, quitte à pas de cliché, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Et qui est spécialement animé effectivement dans ces années-là. Et c'est drôle parce que c'est probablement pas un hasard que Lydia Lunch, tout comme Laurie Anderson, se sont retrouvés à coquiner avec John Journeau et William Burroughs, et signé pareillement sur Journeau Poetry System. Alors c'est un label dont on peut regretter que la non-réédition, ça paraît assez inconcevable aujourd'hui. Absolument, bien sûr. Bah oui, et puis c'était issu du même, de la même réflexion. Et effectivement, bah, je pense que les Dial Poem, qui sont donc inventés par Journeau, et littéralement Dial Poem, c'est donc composer un poème au téléphone, de l'action de téléphoner, donc tout dial. Il est probable, mais ça demande à être vérifié, que le tout premier GPS, donc Journeau Poetry System, soit la première saga de Dial Poem. Il y en a plusieurs. Parce qu'évidemment, c'était génial. Dial Poem, c'était plus qu'un poème, c'était un procédé poétique pour lequel il n'y avait qu'à inviter les amis. Et ils sont tous venus, évidemment, quoi. Surtout que bah, Journeau, puisqu'on parle de lui, là, ici, lui aussi, c'est une égérie new-yorkaise. C'est pas Lydia Lunch, mais presque. C'est quelqu'un d'aussi important. C'est une égérie ultra sexy. C'est la personnalité filmée par Andy Warhol sur un plan continu de plus de 3 heures sur un film qui s'appelle The Sleep. Autrement dit, un plan fixe sur quelqu'un qui dort. Mais ce film est merveilleux, ce film est magnifique, ce film est d'une beauté inouïe. Il est concentré sur la beauté de Journeau. Un effet absolument spectaculaire, dont, évidemment, Warhol est amoureux. Donc, il y a tout le désir qui est du filmeur qui est vu dans le filmé, avec, effectivement, ce consentement avoué ou pas, et peu importe, d'ailleurs, entre le filmé et le filmeur. Et c'est un film qui a fait date. J'ai eu la chance de le voir en me disant, au bout de 10 minutes, mais qu'est-ce que je fous là? Et au bout d'une heure, être absolument happé par le film. Et finalement, avoir dormi pendant le film, il fallait rendre gloire un petit peu à l'objet même du film, c'est-à-dire le sommeil, et me réveiller complètement contenté, comme après avoir écouté un opéra extrêmement long ou bien un morceau sans fin de Da Monte Young. Ça participait un petit peu du même phénomène. On a toujours tradition d'avoir une sortie de fin, un bonus beat, si vous voulez, ou un bonus track. J'avais le choix entre deux, l'un évident et l'autre peut-être autant, mais moins entendu. L'évident, et donc ce ne sera pas celui que je vous donnerai, parce que vous le trouvez facilement en ligne, c'est d'avoir mettre le couple en scène, Laurie Anderson et Lloyd. Et bah voilà, quelqu'un me dit non. Et bah, je vais trouver plus hardcore que ça. Ah oui, largement. On va remonter à la source. Oh judge, oh mom, oh dad, précédé par oh Superman. Voici l'original, voici donc Jules Massenet, tel que chanté à l'époque par Caruso. C'est clairement dit maintenant dans les rééditions de pochettes du disque Big Science qu'on écoutait aujourd'hui, mais c'est précisément un concert spécifique sur lequel Laurie Anderson avait découvert cet opéra de Massenet, donc opéra Le Cid, je vous le rappelle, qu'il avait signé en 1880. Et c'était tout spécialement la version chantée par le ténor Charles Holland. Et Charles Holland, ténor noir américain, j'insiste sur ça, et qui chantait bien sûr ses paroles françaises. Le concert, ce n'est pas spécifié, mais c'est peu de temps avant que Superman composait. Ce n'est pas 5 ans avant, c'est dans les mois qui précèdent. Donc on pourrait supposer que c'est en 80, voire en 81. Mais supposons finalement en 1980. En tout cas, ça mérite question d'être creusé, et c'est probablement une date qu'on doit pouvoir trouver. Et donc voilà, c'est ces paroles au souverain, au juge, au père. Voilà. Ce n'est pas Charles Holland qu'on va entendre, c'est dans une version qui est libre de droit aujourd'hui, mais elle est historique, elle est très belle. Elle date de 1916, et c'est le ténor de l'époque, hein. C'est Caruso qui chante. Donc bonne écoute et bonne échappatoire sur cette proto-histoire de O Superman, avec et grâce à Henri Caruso, et surtout l'opéra signé par Jules Massenet. Merci de votre attention aujourd'hui. À bientôt pour Cargo Cult. Ah, tout est bien fini, mon beau rêve de gloire, mes rêves de bonheur s'envolent à jamais. prima en amour, il prend la victoire. Seigneur, je me soumets. Oh, souverain, oh, juge, oh, père, oh, roi, présent ce jour, je t'adore, oh, ta prospère, et te bénis aux ombres jours. Je veux où ta loi me réclame, tu peux venir, tu peux paraître.